de ces moments. On parlait de tout et de rien sur une des lignes de ma main. Mais quand l'horizon se perd, séparer.